Je suis le dernier fan de la ville, celui qui couche dans une poubelle. Je me sens comme un débile, flottant dans de l'eau de vaisselle. Parti des meubles à nourrice. J'aime les mettre dans les varices. J'ai des bistecs à la vanille. J'ai bouffé des roulements à bigue plein de cambouis. Je suis pourri. Oui, bien pourri. Je me roule dans la vase et m'en remplis des bouteilles. Puis je joue au kamikaze en me suçant les orteils. Me prends pour Johnny Rotten, mais seulement pendant le week-end. Quand j'écoute l'hymne à l'amour à fond en 78 tours. Sur mon vieux vélo Solex, je crie les sens interdits. Je suis speed et relax, on m'appelle Joe le débris. À la sortie de la messe, je guette les vieilles rombières. J'aime leur pincer les fesses et les arroser de bière. Parti des pains à nourrice, j'aime les mettre dans les varices. J'aime les bistecs à la vanille. J'aime bouffer des roulements à bille plein de cambouis. Je suis pourri. Oui, bien pourri. Je travaille à la centrale et je pique l'uranium. C'est super bon pour le moral dans un demi-litre de rhum. Parfois je vais à l'hospice visiter mon vieux grand-père. Et juste au moment propice, je fous de l'acide dans son verre. Je suis celui qui vient sans bruit en pleine nuit voler vos radis. Je suis celui qui vient sans bruit en pleine nuit voler vos radis.